Non, non, non, y a pas que les cocus, non, non, non, qui ont près pu qui pue, non, non, non, pas que les cocus, non, non, non, qui ont près pu qui pue, et même si on ne l'avait pas, est-ce qu'il ne sentirait pas, et même si on ne l'était pas, est-ce qu'il ne sentirait pas? Non, non, non, y a pas que les cocus, oh, non, non, y ont près pu qui pue, et même si on ne l'était pas, est-ce qu'ils ne sentiraient pas? Non, non, non.